as I come back. Seul, répudié, brisé, enchaîné à des pensées, une vie périmée, terrassée par l'être adoré, refoulé, pour avoir trop aimé, trop rêvé, trop vécu, sans doute perdu aux yeux des gens sans vue sur l'horizon, qui sortent un peu d'une univers abscon, des citoyens du quotidien, ce monde pantin, sans vie, sans envie, on revit tous les jours le même jour à l'envie, dis-moi, est-ce ça ta vie, ton parti pris, ta philosophie? Mon paradis, parade à la tati pour conserver ses fruits maintenant interdits. La tête entre les murs pour la folie, folle boulimie des espérances, des croyances en provenance de l'amour toujours. Sans détour au retour, elle m'a dit c'est fini et mis au lit pour une vie d'insomnie. Merci, mais je ne crois pas pouvoir faire le pas pour changer mon cas, mon état de proie, de l'éducation sentimentale qui est en moi. Et rira bien, qui rira. Au présent, je pressens les sentiments qui vont tenter d'hanter mon subconscient. Qu'à cela ne tienne, la route est mienne. Je sortirai indemne de cette peine, car déjà je ne suis plus le même. Les rênes de mes nuits m'ont sorti de cet état où l'on croit que la solitude est rude et brune, alors qu'elle ne fait qu'une avec la lune. Le rêve a faim, les moyens de sortir enfin du désespoir, désespoir d'un dernier au revoir.